ton voisin. Laisse les lignes dans ton sang. Si ton voisin souhaite jouer, bah on lui donne quoi je m'en vais. C'est toi ta sorcière chrétien. Qui comprime que j'ai rien. Lâche les anciens, reste du cœur. M'avaler un morceau en cœur. Si tu veux, viens avec moi. Et après, tu vas aller voir. Pour savoir qui va me faire. Ça se fait, c'est passé. Moi, ça tu es chez trop. Et j'ai que la dent de frigo. N'en déplaise à tous ces bourgeois qui croient que j'ai rien pendant le mois. Qui sont juste que la chassation. Viens faire ce qu'il y a à la con. Où on sera qu'un des malades. Parce qu'on sera toujours en mal. La douceur oubliée. Le patron sera réveillé. On peut tarder les faillots. Tu parles de collaboration. Moi ça m'appelle l'occupation. Quand on est le patate tu veux. Toute la journée on fait la queue. Là je crois sur ton poids et bon. J'ai déjà foutu dans le breton. Il m'a pris mon charbon. Et la moitié dans son lancement. Porte ma parole, ça fout l'air. Porte ma parole, ça fout l'air. Porte ma parole, ça fout l'air.